serait peut-être intéressant de savoir comment Eliane Radic se situe à l'écoute d'elle-même. Si elle pense d'une certaine façon sa musique impliquée, installée dans le concert. Non. Non. Je pense que... Vous n'êtes pas heureuse au concert? Du tout, non. Comment souhaiteriez-vous qu'on écoute vos œuvres? Au moment même où on en a envie, et pas forcément... ce qui n'est pas forcément le temps où justement le concert a lieu, au moment où un certain bain sonore peut être souhaité, désiré. C'est pour cela que je crois que les moyens de reproduction actuels sont tout à fait propices à ce genre de musique. Je dois dire que moi-même, je ne m'écoute jamais. Enfin, je fais les choses et puis je les oublie. Ou je passe à quelque chose d'autre. Mais quand je réécoute... 6847, par exemple, qui est une pièce que j'ai faite en 72-73, je retrouve quelquefois un petit peu de l'atmosphère qui a présidé à l'élaboration de cette pièce, un peu de tout le climat qui était celui dans lequel je vivais avec cet univers sonore pendant les quelques 8, 9, 10 mois de l'élaboration de cela. Mais le concert, vraiment, je crois que c'est un peu trop aride comme situation.